Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la fusillade à l'Assemblée nationale du Québec le 8 mai 1984. Le 8 mai 1984, le caporal Denis Lortie entre lourdement armé dans l'hôtel du Parlement à Québec. Lortie veut tuer le premier ministre René Lévesque et les députés péquistes qui siègent avec lui à l'Assemblée nationale. Fort heureusement, les députés ne siègent pas ce matin-là, ce qui permet d'éviter le carnage. Mais la cavale meurtrière de Lortie au Parlement va tout de même faire des victimes. 3 personnes vont perdre la vie et 13 autres seront blessées. Ben, à un moment donné, les caméras étaient finies, puis on allait porter nos cartons en arrière, question de se préparer pour faire la télévision. Puis à un moment donné, il est rentré un gars, bien en salle double, puis il a commencé à tirer partout à l'autre bout de la salle. Un gars bien en salle double. J'ai dit, Chris, il dit, il est fou, je sais pas trop quoi, là, mais. Il y a quoi, une carabine? Non, il y a une mitraillette. Une petite mitraillette, je sais pas trop c'est quelle marque, là. Je connais pas tellement ça. Dans le fond de la salle, c'est le salon des députés, là. T'es bien militaire, vous dites. T'es bien militaire, oui. Il nous a dit que c'était un gars de la rue. Ben là, quand j'ai bien vu qu'il commençait à tirer partout, je me suis sacré à terre. Puis là, j'ai ressenti une brûlure dans le bras. J'ai reçu une balle dans le bras. Puis là, il dit j'étais un gars du 22e. Il dit je m'assais qu'il n'y a pas de député ici. Il dit moi, tu l'as tiré. Tu vas faire de même. Là, le sergent d'armes est en train de jaser avec. Il faut essayer de le raisonner un peu. Je sais pas ce qui va arriver. Le témoignage du caméraman de l'Assemblée nationale, Régent Dionne, qui a été diffusé ce témoignage à notre radio le matin même du 8 mai 1984, au moment où Denis Lortie, vous l'entendiez dans l'extrait, est toujours au Salon Bleu en train de parlementer avec le sergent d'armes de l'Assemblée, René Jalbert, qui va réussir, René Jalbert, quelques heures plus tard, à convaincre le tireur de se rendre aux forces de l'ordre. Pour nous raconter ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ce matin du 8 mai 1984, je reçois Richard Thibault, qui est aujourd'hui spécialiste en gestion de crise, qui était à l'époque animateur des débats de l'Assemblée nationale du Québec. Richard Thibault qui a aussi publié en 2008 l'ouvrage « Comment gérer la prochaine crise ». Richard Thibault, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces événements du 8 mai 1984 à l'Assemblée nationale? Une leçon durement apprise, je pense. On ne considérera plus jamais la sécurité à la légère comme on le faisait à une certaine époque. Je me rappelle à l'époque des événements, le 8 mai 1984, on entrait dans le Parlement de Québec, comme on disait, un peu comme on y entre dans un moulin. Ouais. Et aujourd'hui, on a décidé de faire grand cas de la sécurité, et pour cause d'ailleurs, et avec raison, de la sécurité des députés. C'est un peu un cliché de le dire, mais la perte de l'innocence, là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, et moi qui fais maintenant de la gestion de crise, je pourrais vous dire que, honnêtement, avec un regard critique, on pourrait se dire à l'époque, on aurait pu l'anticiper, ouais. On aurait pu le prévoir. Bon, il y a d'autres parlements au monde où ça s'était produit, cette histoire-là, donc on aurait pu le faire, mais bon, on est une société très ouverte, les gardiens de sécurité n'étaient pas armés, ouais. Alors, tout le monde entrait, comme je le disais, un peu comme dans un moulin. On voulait être tout à fait transparent et tout le reste, mais on l'a appris à nos ouais. dépens. C'est un événement qui a été marquant. C'est pas ouais. rien qu'un tireur fou entre dans un Parlement et veuille... Évidemment, il s'était trompé dans sa planification, heureusement, mais ça répète un carnage. Mais c'est pas rien, ce geste-là. Pourtant, ça a été... on dirait qu'on a voulu balayer ça sous le tapis pendant très longtemps. Vous êtes de ceux, Richard Thibault, qui vous êtes battu pour dire il faut qu'on souligne ça. Il y a eu, au 30e anniversaire, en 2014, une plaque commémorative qui a été installée à l'Assemblée nationale. Pourquoi c'est important pour vous qu'on se souvienne? Bien, d'abord, on a un devoir de mémoire pour un événement comme celui-là. Ça s'est produit, on ne peut pas l'ignorer. Si je ne m'abuse, il y a même encore des endroits dans le Parlement où il y a encore des trous de balles. Hein? Alors ouais. donc, je veux dire, ça témoigne de cette histoire-là. Mais au-delà de ça, je dois vous dire que, l'entreprise que je me suis donnée et le travail que je fais en gestion de crise, il m'arrive régulièrement de faire des conférences et ai-je besoin de vous dire que je me sers souvent de cet exemple-là pour ouais. illustrer la vitesse avec laquelle les médias réagissent quand une crise de cette nature-là se produit. Et avec les années, ben forcément, je voyais mon public rajeunir. Ouais. Et quand j'évoquais l'événement, je voyais déjà dans la salle des plus jeunes ou qui avaient de grands points d'interrogation ouais. dans les yeux, qui ne savaient pas du tout de quoi je parlais. Et je me disais, ça n'a pas de bon sens. D'abord, ouais. on est en train d'oublier cette histoire-là. Et puis d'autre part, il n'en demeure pas moins que là, il y a 3 personnes qui ont donné leur vie injustement. Ouais. Et parce que ce n'était pas eux que le tireur fou venait faucher, c'était des députés. Alors, ils sont morts en lieu et place des députés, des ministres qui étaient là. Et au début, à l'Assemblée nationale, on faisait le 8 mai, un moment de silence, on se rappelait l'événement. Puis graduellement, on a oublié l'habitude, on ne le faisait plus. Puis là, finalement, on était en train de balayer l'histoire en dessous du tapis. Je me disais, ça n'a pas de bon sens, ça ne peut pas finir comme ça. Donc, il y a eu cette plaque en 2014. Le premier ministre de l'époque, Philippe Couillard, le président de l'Assemblée nationale, M. Chaillon, se sont rangés mes arguments. Ouais. Et on a eu donc cette cérémonie-là où on a rassemblé les survivants, enfin ceux qui existaient toujours, des familles des victimes. Et puis aujourd'hui, ben, quand on vient au Parlement de Québec, on a une plaque pour commémorer l'événement. Alors parlons de ce qui se passe très concrètement ce matin de mai 84. Vous voyez ça d'assez près. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée à ce moment-là? Où est-ce que vous êtes? Enfin, un mot pour expliquer qu'est-ce que je faisais à l'époque. Ouais. Bon, il faut quand même se rappeler que le Parlement de Québec a été le premier Parlement au monde, et on parle d'histoire ici, donc c'est pas sans intérêt de l'évoquer. Le premier Parlement au monde à se doter d'une permanence de télévision parlementaire pour diffuser l'intégrale des travaux de l'Assemblée nationale. On était donc les premiers à le faire. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Il y a 180 quelques parlements qui le font. Je ne vous parle pas de tous les conseils municipaux qui sont sur Internet. Mais à l'époque, on disait toujours, puis les députés avaient un peu peur que les gens disent, bon, ben écoutez, on comprend pas ce qu'on fait. Puis il y avait beaucoup de journalistes qui étaient assez acides, pour pas dire critiques, et qui disaient, vous savez, députés, ça travaille pas fort, ça fait du rubber stamping. Alors donc, on avait peur que les gens qui voyaient les travaux parlementaires, qui ne comprenaient pas ce qui se passe, en arrivent à la même conclusion. Donc, on m'a engagé à l'époque pour expliquer aux gens tout ce qui se déroule à l'Assemblée nationale, la procédure, l'histoire, les fonctions parlementaires, le menu et tout le reste. Alors donc, vous étiez animateur. Vous animateur. J'étais donc animateur. Ben, enfin, les débats comme tels sont assez animés par eux-mêmes, remarquez, le sont toujours. Oui. Mais j'étais là, moi, pour présenter les travaux parlementaires au début, conclure à la fin et intervenir s'il y avait des suspensions en cours de travaux pour expliquer ce qui se passe et comment ça se passe. Alors, ce matin-là, vous êtes dans votre studio? Ben, le studio de la radio-télévision des débats est tout près, à cette époque-là, du Salon Bleu. Et tellement, d'ailleurs, que si le tireur avait tourné à droite au lieu de tourner à gauche, je serais peut-être même pas là pour vous le raconter, parce qu'il tirait sur tout ce qui bouge. Et j'étais harnaché, parce qu'à l'époque, la télévision, ça se faisait avec plein de fils et plein de branchements et plein de tout le reste. Alors donc, puis on s'apprêtait à aller en onde. Ce n'était pas l'Assemblée nationale comme telle qui siégeait, c'était une commission parlementaire. Il y avait donc des députés qui étaient pour se retrouver là, mais on était quand même une dizaine de minutes avant que ça commence. Donc, le Salon Bleu n'était pas plein à ce moment-là. Il n'y avait pas vraiment de députés qui étaient là. Mais vous voyez, vous, ce qui se passe, les caméras sur les sont moniteurs, en marche. Les caméras sont en marche, on fait les tests de caméras. Et j'ai un moniteur, évidemment, devant moi de télévision pour suivre ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et là, tout à coup, ben, j'entends une cavalcade, j'entends des bruits. Et puis, je vois un militaire habillé en soldat faire éruption dans le Salon Bleu. Et là, c'est tellement énorme quand on est assis, Bouchard, puis qu'on voit une chose comme celle-là, ça m'a pris plusieurs secondes avant de réaliser qu'est-ce qui était en train de se passer. Moi, j'étais convaincu qu'on me faisait une blague. C'est vrai? Ah, ben, je pensais que c'était les techniciens qui avaient fait un montage. Ben non, le cerveau, c'est tellement énorme, le cerveau n'accepte pas ça. Jusqu'à ce que je réalise effectivement ce qui se passe. Et là, tout à coup, l'ortie vient s'asseoir sur le fauteuil du président et se met à tirer partout. Le gouvernement qui présentement est en cours va être détruit. Puisque c'est le Parti québécois, compris René Lévesque. J'ai trouvé que c'était des personnes qui ont fait beaucoup de tort aux personnes françaises au Québec et dans le Canada. Ce que je fais, ce n'est pas pour moi, mais pour le monde à venir qui parle la langue française. Je sais ce que je dis. Pour vous, ça n'a pas de valeur. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais pour moi, ça a beaucoup de valeur. J'ai trouvé, depuis que j'ai parti au pouvoir, qu'il a fait beaucoup de mal. Parce qu'en tant qu'un Français qui voyage dans le Canada, je me suis aperçu que les personnes de l'autre langue nous trouvaient stupides. Il n'y a aucune personne qui va pouvoir m'arrêter. Même pas la police. Même pas l'armée. Parce que je fais une destruction et je me détruis moi-même. Avant de se rendre au Parlement, Denis Lortie, le matin du 8 mai 84, se rend dans une station de radio de Québec pour déposer une cassette. Et ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait, justement, du message qu'il laisse à cette station de radio privée. Ça glace un peu le sang, Richard Thibault, ce qu'on vient d'entendre. Oui, et ce message-là, il va le répéter. Il s'estime victime des politiques du Parti québécois à l'époque. Et il entre à l'Assemblée nationale avec une mission très claire. Il s'en va assassiner le premier ministre et les membres de son cabinet qui sont, selon lui, responsables de, tout ces, de toutes ces tribulations comme soldats dans l'armée canadienne. Et même s'il n'y a personne là, ou à peu près, il y a des employés là, qui vont se cacher derrière les banquettes. Oui, bien, mais... pour cause, parce qu'il est entré en tirant sur à peu près tout le monde, comme je le disais, sur partout, sans même viser. Et forcément, il y avait des gens qui étaient là. Hein, ouais. On se préparait à aller en travaux là, de commission parlementaire. Alors donc, il y avait des caméramans, il y avait des techniciens. Et il sait ce qu'il veut faire. Il tire. Il veut savoir où est le siège de René Lévesque. Il le demande d'ailleurs à René Jalbert à un certain moment donné. Il est le sergent d'armes. Il dit, il est où le premier ministre? Et là, quand ils lui ont indiqué, ben là, il a vidé un chargeur sur le banc du premier ministre. Ouais. On va revenir à René Jalbert, le sergent d'armes de l'Assemblée nationale, qui a été crucial dans cette histoire-là dans un instant. Mais dites-nous d'abord comment il se rend justement au Salon Bleu. Dites-nous d'abord comment ça se passe le matin, ce matin du 8 mai 84, à partir du moment où le tireur arrive dans le Parlement. Ce 8 mai-là est resté gravé dans les mémoires. Il est entré par ce qu'on appelait à l'époque la porte du lieutenant-gouverneur. C'est d'ailleurs à cette porte-là qui est la plaque maintenant. Évidemment, les bureaux du lieutenant-gouverneur ne sont plus là, mais la tradition voulait que ce soit par là que ça se passe. Et en entrant, il tire sur tout ce qui bouge, une prépose à l'accueil. Je me rappelle, il y avait des enfants, puis je les ai revus plus tard. Ouais. Imaginez, je fais une conférence un jour, il y a une petite fille qui est rendue à 40 ans, qui lève la main et qui me dit « Moi, j'étais parmi les enfants qui étaient là, on nous a fait coucher par terre, puis il y avait les balles qui nous passaient par-dessus la tête. » Alors, vous imaginez, elle va se rappeler de ça toute sa vie. Ouais. Mais puis d'une chose à l'autre, il s'est rendu au Salon Bleu parce qu'il était venu en visite la veille, en repérage, et il savait quel chemin prendre pour y parvenir. Donc, il savait où il voulait aller. Heureusement, il n'avait pas réalisé que... Parce que c'est encore le cas aujourd'hui, les horaires de l'Assemblée nationale sont variables. Le jour, le matin où il se présente, lui, il pense que l'Assemblée va siéger. Bien, l'Assemblée devait siéger. Sauf que le 8 mai, on est pendant la période du budgétaire, on y entre très bientôt, et cette période-là fait qu'on va étudier les crédits budgétaires de chacun des ministères, chacun des organismes, sauf que les organismes qui relèvent de l'Assemblée nationale sont étudiés par la commission de l'Assemblée nationale, et ces gens-là se réunissent au Salon Bleu. Alors donc, l'Assemblée comme telle fait relâche pour laisser la place à la commission de l'Assemblée nationale qui va siéger dans le Salon Bleu, et c'est ça qui doit commencer 10 minutes plus tard quand lui fait irruption dans le Salon Bleu. Ouais. Parce qu'on leur doit bien ça, je précise donc que les trois personnes qui vont mourir sur les balles de Denis Lortie sont le messager Camille Lepage. Mmh. Ça, c'est quand il se rend, là, chemin faisant, vers l'Assemblée nationale, vers le Salon Bleu, en fait, l'Assemblée nationale. Et puis à 9h50, donc, il est au Salon Bleu, il tire de nouvelles rafales de mitraillettes. Et là, dans le Salon Bleu, il va tuer deux autres personnes, Georges Boyer, un employé de l'Assemblée, et Roger Lefrançois, un employé du directeur général des élections du Québec. Une fois dans le Salon Bleu, il se retrouve donc sur le fauteuil, vous l'avez dit, du président de l'Assemblée. Mm-hmm. Il se rend compte qu'il n'y a pas de députés qui ne sont pas là, les députés ce matin-là, et arrive le fameux sergent d'armes de l'Assemblée nationale, René Jalbert, qui va commencer à discuter avec Lortie. Ça va durer des heures. Le journaliste Claude Desbiens raconte la séquence des événements dans un reportage qui a été diffusé à la télé de Radio-Canada le 11 mai 1987. Comme il l'a dit au cours de son témoignage, René Jalbert voulait dès ce moment établir une relation de confiance avec Denis Lortie. Une relation de militaire à militaire. J'étais 30 ans dans l'armée, j'ai fait la deuxième langue, j'ai fait la première. Et au bout de quelques minutes, Denis Lortie accepte de laisser partir les gens qui se trouvent encore à l'intérieur du Salon Bleu. Tu peux sortir! T'es blessé, je m'excuse, monsieur Lévy. Tu peux te sortir, les soldats? Oui, vas-y! Ah, écoute, ça c'est gentil, papa. Ce n'est que plus tard que les deux hommes vont finalement s'identifier. René Jalbert va demander alors à Lortie de lui expliquer les raisons de son geste. Jalbert, on le sent, veut gagner du temps. C'est alors que du haut des balcons, un policier intervient et se mêle de la conversation. Tu veux parler avec moi? Malgré une pose des questions, il essaie de me faire pour parler, là. Je veux parler avec un seul, tranquille, parce qu'on se connaît, les deux soldats. Alors, vous, je vous demande de sortir. Et ensuite, le dialogue entre les deux hommes va se poursuivre à voix basse pendant de longues minutes. Denis Lortie va accepter l'idée d'aller dans le bureau de René Jalbert, où quelques heures plus tard s'est négociée la reddition du militaire. Le sergent d'armes de l'Assemblée nationale, René Jalbert, qui va réussir à convaincre finalement Denis Lortie de finalement se rendre aux forces de l'ordre, comment il va réussir son coup? Ah, c'est le héros de l'heure, René Jalbert. Il est un ancien militaire. Et quand il arrive, d'abord, il ne s'attend pas de voir un tireur fou là. Il sait que la commission doit siéger. Il y avait beaucoup de travaux. On est en 84, hein? Alors ça va être le centenaire de l'hôtel du Parlement. On est en train de se faire une cure de beauté. Et Jalbert pense qu'il y a des travaux, il y a des échafauds dans le Salon Bleu. Alors il vient pour se présenter pour dire « Tassez-vous de là, on s'en va en séance. » Et là, tombe face à face avec Lortie. Et Jalbert était, René Jalbert était un ancien militaire, alors lui montre sa carte. Ouais. Et comme il était d'un grade supérieur, Lortie... évidemment, tout de suite, le respecte et s'établit le contact sur cette base-là. Maintenant, les policiers qu'on entend, on le devine, hein, le SWAT est là, il est dans la mire, on est prêt à l'abattre et Jalbert s'interpose. Et d'ailleurs, on va le faire sortir du Salon Bleu pour éviter le pire. Et donc, ils vont poursuivre cette discussion... Dans son bureau. Dans son bureau, avec ce lien de confiance qu'il va développer. C'est ça, sa stratégie, parler comme militaire à un autre militaire. Voilà. Et ça va marcher. Oui. Il va finir par se rendre avec une petite astuce quand même, on le saura plus tard. Oui, bien à la fin, parce que ça se termine, cette histoire-là. Évidemment, il y avait des policiers, on parlait du SWAT qui était là, il y avait à peu près tous les corps de police qui étaient rendus là, vous imaginez. Hein? Et l'endroit où Lortie était confiné, c'était au fond d'un corridor. Alors donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? On peut pas rentrer en tirant, on peut pas... Bon. Alors finalement, Jalbert rejoint un coup de téléphone et raccroche et annonce à Lortie que les policiers qui sont là finalement reconnaissent la bravoure de son geste et veulent lui faire une haie d'honneur pour saluer son courage. Et finalement, ben, Lortie achète, achète l'idée et va rendre son arme et sortir dans la haie d'honneur. Ouais. Avec la surprise qu'il a. Ben, on devine le reste. Hein. Ouais. Vous l'avez connu, René Jalbert. Ouais. Je sais que vous en avez évidemment. Vous, tous les deux, vous avez vécu ça. Vous en avez parlé ensemble. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous racontait quand il reparlait de ça? Enfin, moi, je me rappelle la journée même où ça s'est produit, on s'est retrouvés tous les deux, puis là, il s'est même raconté, puis même le lendemain, on en a reparlé, et il s'est même raconté qu'il n'a pas vu le temps passer, il n'a pas vu ce qui se passait. Je lui disais, mais c'est incroyable ce que tu as fait, René, c'est héroïque, c'est extraordinaire. Et puis il me disait, non, ben écoute, je m'en suis pas vraiment rendu compte, l'adrénaline était tellement élevée que finalement, j'ai jamais réalisé ce qui se passait. Et je pense que c'est plusieurs jours plus tard qu'il a vraiment compris l'ampleur de ce qui s'est passé. Ouais. Et vraiment, ça a été, Dieu merci, grâce à son intervention, qu'on a évité le pire. Jamais il s'est senti menacé dans les discussions que vous avez eues après? Je n'ai pas senti qu'il se sentait menacé. J'ai l'impression qu'il se sentait protégé du fait que son grade était supérieur à celui de Lortie. Et je pense qu'il y avait comme un accord tacite entre les deux pour faire en sorte qu'on respecte ce lien hiérarchique-là. Quel genre, même si on le disait au début de l'émission, on l'a un peu oublié cette histoire-là au Québec, chez nous, à ce moment-là, ça va avoir un retentissement très, très grand partout dans le monde. Ben écoutez, pour vous donner une idée de la vitesse avec laquelle les médias voyagent, on est en 1984. Et à l'époque, Pierre Tourangeau, qui a été un des fidèles ici de Radio-Canada pendant des années, qui a été journaliste ici, était à l'époque président de la Tribune de la presse, et avant de sortir, parce qu'on faisait sortir tout le monde, écrit... tireur fou se promène dans le Parlement, il y a juste le temps d'écrire ça. Et Lortie, donc, est entré à l'Assemblée nationale autour de 10h moins quart le matin. Oui. Ben, croyez-le ou non, M. Beauchamp, 20 minutes plus tard, à 10h10, on recevait un coup de téléphone de l'Australie, qui est à ce moment-là, en le lendemain, en plein milieu de la nuit, là, il y a 12h, 14h de décalage, et effectivement, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Twitter, et on voulait savoir ce qui se passait. Alors imaginez la vitesse avec laquelle aujourd'hui, puis je le dis souvent quand je fais de la gestion de crise à mes clients, très souvent, les journalistes vont même vous téléphoner avant que vous sachiez que vous êtes en crise. Alors donc, parce que ça, c'est un coup de doigt, c'est instantané, c'est aujourd'hui, ça va tellement vite. Denis Lortie, à la suite de cette fusillade, donc, va subir deux procès. Une première condamnation le 13 février 1985, il écope de 25 ans ferme de prison. Ce qui est assez fascinant, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. La Cour d'appel va invalider ce premier procès-là. Il va en subir un deuxième. Et le 11 mai 1987, il est condamné à prison à perpétuité, mais avec possibilité de libération après 10 ans. Et là, évidemment, il y aura toute une série de témoignages de psychologues, de psychiatres. On va juger qu'il n'est plus une menace pour la société en 93. Libération conditionnelle en 95. On écoute un extrait d'une entrevue que Denis Lortie a accordée au moment où il obtient sa libération conditionnelle en 95, entrevue qu'il accorde au journaliste Richard Lheureux. Je pourrais dire aujourd'hui le pourquoi, c'est que c'est un ensemble de facteurs qui découle de l'enfance jusqu'au jour où ça explose. C'est pas un facteur, c'est un ensemble de facteurs. Mais le facteur principal, c'est complètement une désorganisation aussi dans mon intérieur à moi-même, au niveau psychologique. Mm-hmm. Et c'est ça qui a fait. Pourquoi j'ai cherché à savoir le pourquoi, le comment, la raison, déjà j'ai posé. Je m'en suis posé des modifications. Je m'en suis posé souvent des questions, de tous les gens, de tous les 16. Et on t'en a posé. Il y a des psychologues qui t'ont suivi. On t'a. J'ai des spécialistes. J'en ai une base de spécialistes, mais j'ai tout le temps dit si tu veux pas t'aider, ça donne pas grand-chose. Mm-hmm. Mais essaye pas de tout savoir tout de suite, mais prends ça au fur et à mesure et tranquillement. Tu vas venir chercher des réponses à des questions. Et c'est ça que j'ai fait durant 10 années. Est-ce que tu vis avec des remords? Oui, là-dessus, oui. Ça vous fait quoi, Richard Thibault? Vous avez vécu ça au premier rang, cette fusillade-là. Ça a changé votre vie. Vous êtes devenu gestionnaire de crise ensuite. Quand vous entendez un extrait d'entrevue comme celui-là, qu'est-ce que ça vous fait? Ben, remarquez que, bon, c'est sa vision à lui, c'est sa vérité à lui. Évidemment, tous ceux qui l'ont vécu de près ont la leur. Ouais. Il y a des gens qui, même encore aujourd'hui, sont restés marqués par l'événement. On est tous restés avec une espèce de tic. À un moment donné, moi, j'ai eu pendant des années la peur. Vous savez, la fraction de seconde avant que la porte d'un ascenseur s'ouvre, là, qui est de l'autre côté. Parce que, bon, à l'époque, cette histoire-là nous avait tellement marqués. Mais je me suis dit, il faut mettre ça à profit, il faut être capable de l'utiliser. Je me suis dit, la gestion de crise, non seulement je l'ai vécu de proche, mais ça m'a donné envie d'y consacrer ma vie. Et je me rappelle qu'en 84, quand on parlait de gestion de crise, on plaidait dans le désert. Ouais. Parce que, bon, c'était une branche de la gestion qui n'était pas connue et tout le reste. Mais bon, j'ai décidé de consacrer ma vie à ça. J'ai fait des tas de conférences, j'ai écrit des livres, j'ai aidé des centaines d'entreprises à se préparer, à faire face au pire en souhaitant le meilleur. Et c'est dans ce sens-là que j'ai voulu utiliser cet événement-là, qui est un événement malheureux, pour en faire un événement positif et le mettre au service de la communauté. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rappelé cette histoire importante dans notre histoire au Québec. Richard Thibault, expert en gestion de crise, ex-animateur des débats de l'Assemblée nationale à la télévision, auteur, je le rappelle aussi, du livre « Comment gérer la prochaine crise ». Merci infiniment d'être passé nous voir. Mais c'est moi qui vous remercie, M. Beauchamp. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Réjeanne Leblanc. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.